Chapitre 320. L'interdiction de nommer le sultan ou qui que ce soit le roi des rois, nom qui ne convient qu'à Allah le Très-Haut. 1724. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme le plus méprisable auprès d'Allah Azza wa Jal est celui qui s'est fait appeler le roi des rois. Malikul Amlak. Al-Bukhari et Muslim.